tiens à saluer tous ceux qui nous écoutent en direct ici sur radioinfocité.com. Écoutez, nous sommes à l'heure du repas et je pense que jusqu'à maintenant, les gens ont été très assidus. C'est vraiment des gens qui ont pris la peine de se déplacer dans ce coin-ci, puis ils écoutent les discours. Et il y a beaucoup de contenu. On vient d'entendre Jean-Jacques Nantel qui vient de nous dire... qui vient nous parler des droits de passage, que ce soit au niveau routier, ferroviaire, au niveau maritime, tous les endroits où il y a des canaux, là, ou en tout cas, on parle du canal de Panama, ou prenez celui que vous voulez, il y a des droits de passage. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on nous a parlé aussi d'économie, de la... des banques, des profits des banques, que c'était M. Blais, c'est ça? C'est M. Blais, je pense, c'est ça, Stéphane Antoine? Blais, oui. Stéphane Blais. Exactement. Stéphane Blais qui nous parlait des profits que les banques faisaient, et ainsi de suite. Je sais qu'Antoine a pris beaucoup de notes et qui a pris la barre aujourd'hui des entrevues ici sur radioinfocité.com. Encore une fois, je veux vous remercier d'être des nôtres et puis de faire en sorte que on est ici dans un endroit extraordinaire. Et je peux vous dire une chose, vous manquez quelque chose, ceux qui ne sont pas présents, mais vous avez quand même tout ce qui est contenu sur radioinfocité.com. Et on vous remercie d'être avec nous. Continuez comme ça toute la journée. Ça va être comme ça toute la journée, n'est-ce pas, Jean-Marc? Ça va être jusqu'à 18, 19, peut-être. On a déjà pris une heure et demie de retard, ce qui fait qu'on va recommencer les discours vers 14h30. Et peut-être qu'en attendant, pendant l'heure du dîner, ben, on va vous faire entendre quelques personnes. Et probablement l'organisateur de la journée, Guy Bouliane, qui s'en vient tout près des micros. Il va venir nous accorder une entrevue. Pas très, très content, mais c'est pas grave. Juste, on va prendre un petit 2 minutes, Guy. Franchement, là, je tiens à te dire que l'organisation que tu as faite, c'est une organisation, pour avoir organisé des événements dans ma vie, une organisation comme celle que tu fais aujourd'hui, c'est extraordinaire. Le site... les gens, là, tout est sur place et les gens vont dîner. Il y en a qui ont réservé leur lunch. Il y a une cantine aussi mobile pour les gens. Et on invite les gens à venir cet après-midi, ceux qui peuvent, qui sont dans le coin. Là. Je ne sais pas, Guy, comment faire pour les dire aux gens de se rendre ici. Je ne sais pas si tu acceptes les gens à la porte. Je ne sais pas. Non, malheureusement, on ne peut pas accepter les gens à la porte pour des raisons de sécurité. Mm-hmm. Beaucoup de gens déjà savent qu'on a eu des problèmes avec les manifestants, ceux qu'on appelle les communistes anarchistes qui nous ont menacés avec violence, même des personnes qu'on connaît, qu'on nommera pas, que je ne nommerai pas pour le moment, ont été menacés physiquement. Il y a même eu au niveau du bâtiment des lieux. Donc, c'est certain que pour des niveaux de sécurité, on ne peut pas accepter les gens à la porte. Il fallait vraiment acheter des billets à l'avance pour rentrer. Mais je tiens à te dire une chose, Guy, c'est toute une organisation que tu as mis sur pied, le Mouvement républicain du Québec. Et puis, c'est bien ça, le Mouvement républicain du Québec. Écoute, encore une fois, félicitations. Je sais que tu es pris actuellement. Si tu le veux bien, vers la fin, tu reviendras nous faire un petit compte-rendu. Absolument, ça va me faire plaisir. Je sais que là, tu es dans l'organisation, puis tu diriges les gens. Ben, je suis capable de prendre une autre question, là. Ça dépend. Oui, bien, vas-y, Antoine. C'est certain qu'il faut que je gère l'ensemble de l'événement actuellement. Mm-hmm. Donc, mais je peux quand même prendre 2-3 minutes. Tu as une question, Antoine? Oui, j'ai une question pour vous, M. Bouliane, concernant la liste des différents invités. Est-ce que vous, parce qu'on voit qu'on a des sujets vraiment divers, mais qui finissent toujours par se rejoindre en quelque part, est-ce que ça a été planifié pour avoir vraiment un volet plutôt économique, politique, géopolitique? Et... C'est un des objectifs du mouvement que j'ai créé. D'accord. C'est de faire dans la diversité. Parce que c'est trop facile d'organiser des choses avec, bon, on est tous d'accord, on est tous sur la même longueur d'onde. Pour arriver vraiment à une convergence qu'on recherche, bien, il faut être capable aussi de s'affronter dans le débat. Non pas s'affronter physiquement, comme les manifestants en font, mais justement, nous, c'est le contraire. C'est qu'on est pour le débat, on est pour la démocratie, puis c'est en discutant ensemble, avec différents points de vue qui ne sont pas toujours nécessairement en accord parfait. Mais dans chaque idée, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué, que d'accord. Dans chaque idée, OK, qu'on transmet ou qu'on se fait transmettre, il y a toujours quelque chose qui va transpercer là, de ça, tu sais, des oui. idées qui vont pouvoir s'assembler ensemble pour donner un résultat concret. Moi, je tiens à ajouter, Guy, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que nous sommes en compagnie de Guy Boulian, qui est porte-parole, président du Mouvement républicain du Québec. Je peux te dire une chose, Guy, qu'un événement comme ça, ça permet de raffermir les liens entre les gens qui y assistent et de passer une journée comme ça, de 9h le matin à 18-19h ce soir. Et puis, on a la température pour nous. Et je peux te dire une chose, je regarde les gens discuter entre eux et je trouve que c'est une façon de raffermir les liens, des nouveaux contacts, des gens qui ne se sont jamais rencontrés ou des gens que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu. Mais somme toute, c'est de faire en sorte que les gens se discutent et c'est comme si c'était un... Quand je n'ai fait des mouvements, là, etc., puis ça fait un petit bout de temps que moi, nous, on a concentré nos efforts sur radiofaucité.com puis on a laissé les assemblées de ce type. Mais c'est comme s'il y a un nouveau bébé qui vient exactement. De naître. Un nouveau bébé qui vient de naître. C'est un point de départ aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est oui. la relance d'un mouvement là, qui va prendre de l'ampleur, selon moi, même si un animateur de radio, Radio-Canada, hier, a annoncé publiquement que pour lui, c'est un mouvement qui prendrait fin rapidement. Mm-hmm. Moi, je dis tout à fait le contraire. C'est de la désinformation. C'est des jugements hâtifs. Moi, j'aimerais en profiter du temps d'antenne qu'on a là, pour... moi, j'aimerais dire que je trouve déplorable que nous, de notre côté, on fasse une rencontre entièrement démocratique, comme tout le monde peut le constater. Vous savez qu'on reçoit actuellement, il y a peut-être 200 personnes environ qui sont ici, mm-hmm. qui se sont déplacées du Québec. Au-delà de 200 personnes. Au-delà de 200 personnes mm-hmm. qui se sont déplacées d'aussi loin que la Gaspésie, juste pour venir nous entendre. C'est un mouvement démocratique. Je trouve déplorable okay, qu'on ait vécu de la violence, qu'on est au Québec, puis qu'on est rendu dans une époque où on affronte une violence dictatoriale et que surtout nos gouvernements, que ce soit le maire Coderre, alors qu'on a été diffamés dans Le Devoir, donc tout le monde nous connaît à l'heure actuelle, ou en tout cas, c'est certain que les politiciens le savent, je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais comment nos élus qui ont été mis en place par nous ils ne prennent pas position pour nous défendre, pour défendre la démocratie. Mmh, et ça, fait. C'est tout à fait déplorable. Nous, on a été menacés, M. Coderre. M. Couillard, je vous lance un message. On a reçu des menaces physiques. Des menaces physiques. On a fait affaire avec la SQ. On a déposé des rapports. Comment se fait-il que vous n'êtes pas là pour défendre la démocratie? M. Coderre, je m'adresse à vous. Comment ça se fait que vous n'êtes pas là pour défendre la démocratie? Où vivons-nous? Sommes-nous dans une nouvelle dictature? Est-ce qu'on est dans un pays où la liberté d'expression est en perte de croissance? Voyons, réveillez-vous, là, faites quelque chose pour votre pays. Et il y a un autre aspect que j'aimerais t'amener, Guy. C'est le fait que les médias qui ont sali ton organisation, puis d'autres personnes, on l'a vu dans Le Devoir, avec Richard Lehir dernièrement, et on a qualifié l'organisation du Mouvement républicain du Québec comme étant le porte-étendard de l'extrême méchante droite. L'extrême droite. T'sais, écoute, à un moment donné, il faut être sérieux. Si tu veux être crédible, quand il y a des journalistes qui font ce sale boulot, je pense... Mais ce qui est bizarre, c'est que on a même dans ces médias, on mm-hmm. ne parlera pas des menaces non, mais c'est physiques, ça. Menaces non seulement physiques, mais sur les bâtiments. On ne parlera pas de ça. Là. Plus du contenu. Peut s'y attendre. Non plus du contenu, effectivement, parce qu'il y a du contenu ici, je peux vous le dire. On vient d'entendre Nantel, Jean-Jacques Nantel, qui vient de parler des droits de passage sur les territoires. On n'entend pas parler non, souvent, mais, mais écoute, si on était moindrement, je dirais, aventureux un peu, mais je dirais, un peu de, je dirais de la, que les politiciens soient, je dirais, un petit peu plus, ambitieux, et je dirais qu'il y ait un peu plus de volonté. Hey, je dis pas que touriste qui part en auto, qui s'en va aux États-Unis, qu'on va charger droit de passage, mais des camions. Tu sais, tout ce qui est pour faire des profits, que que ce soit de ferroviaire, maritime et routier. C'est pas une idée qui est arrivée, ce qu'on entend parler souvent. Et moi, je pense qu'au Québec, actuellement, on est mûr pour ça. Mais on n'a pas les politiciens qui ont assez de couilles pour s'aventurer dans ce dossier. Et moi, je trouve qu'ici, il y a plein d'idées qui sont avancées. Je dis pas que tout est parfait. Non, non, c'est pas ça qu'on dit. On ouvre les débats, là, autrement dit. Oui, vas-y, Antoine, je pense que tu voulais ajouter quelque chose. Ben, je sens te couper, là. Si tu as terminé ton point. Vas-y. Je veux vous poser une question, M. Bouliane, par rapport au fait que... comment vous expliquez un peu le mutisme des institutions souverainistes? Au premier chef, le Parti québécois, le Bloc québécois, le Devoir même qui a quasiment trahi sa mission première. Moi, je peux pas l'expliquer. Vous savez, à l'interne, on a envoyé des invitations. On voulait donner des billets à la plupart des organismes connus qui travaillent pour la souveraineté. Je ne les nommerai pas, OK? Mais à peu près, vous pouvez penser à toutes les organisations souverainistes connues au Québec. Mm-hmm. On voulait leur donner des billets, là. On les invitait, je leur ai écrit personnellement. Je n'ai jamais reçu aucune réponse. C'est le vide total. Fait que, qu'est-ce qui se passe au Québec? Franchement, je ne saurais pas répondre avec exactitude. Mais il y a une bulle à crever à quelque part. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça, c'est certain. C'est comme s'il y avait une chape de plomb là, qui tombe. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Puis moi, mon but, c'est de faire bouger les choses. Ouais. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est une autre question. Toute seule, Guy, je ne pense pas que tu y arrives. Mais c'est important de semer à tout le moins. Effectivement, puis c'est en étant organisé et en se réseautant. C'est important, le réseautage. Parce que s'il n'y a pas de réseautage, parce que pour avoir milité dans plein de groupes, c'est difficile tout seul de durer dans le temps. Il faut que tu sois armé en maudit. Il faut que tu aies de l'argent et du financement, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Mm-hmm. Et on voit ici aujourd'hui que il y a de la place pour que tous les gens puissent s'asseoir. Et puis tout ce qu'il y a de commodité. Mais tu sais, écoute, fondamentalement, ça prend du réseautage. Et je pense que, quand je disais tantôt, le bébé est né, ce que je dis dans le même sens, c'est que je dis que si tu es prêt à continuer à réseauter et puis à demander aux gens qui ont de l'influence dans leur milieu, de faire en sorte que... C'est pas qu'il faut aller faire des manifestations sur la rue Sainte-Catherine. Je ne crois pas, moi, personnellement. C'est bien que les gens le fassent, parce qu'on a chacun notre optique et notre vision. C'est quelque chose qui est bien, mais moi, ma vision est haute. Mon objectif, justement, c'est de créer du réseautage, comme tu dis, mais aussi de travailler des groupes régionaux, des équipes de travail. Moi, j'ai l'intention de mettre des dossiers sur la table puis de développer des trucs, mais avec les régions. Vraiment donner la parole aux gens de c'est quoi leur souhait, qu'est-ce qu'ils veulent comme pays. Puis en arriver vraiment, moi, je veux établir des consensus puis je veux du résultat. J'aimerais revenir là-dessus. Je trouve ça grave, moi. Je trouve ça déplorable. Je ne peux pas faire autrement que de le souligner. On a organisé un colloque à Montréal. Je n'en reviens pas, tout simplement pas, qu'on a dû fuir. C'est comme si on prenait la fuite. Là, vous savez, nous sommes dans une écurie. Hein? Nous, on voulait faire ça dans un bel auditorium au Collège de Maisonneuve, avec des beaux fauteuils douillets, puis un beau rideau de théâtre. Non, nous, Québécois, moi, je suis né au Québec, on doit fuir. Face à des gens qui, il faut le dire quand même, n'ont pas l'intérêt premier du Québec à cœur. Exactement. Ils pensent fort probablement presque tous en termes mondial, altermondialiste, sans frontières, sans Exactement. État. Les dirigeants de ceux qui ont refusé que l'événement se tienne chez eux, c'est-à-dire le cégep Maisonneuve. Mais ça... Que ce soit le cégep Maisonneuve ou le cégep Saint-Laurent ou l'UQAM ou n'importe où, ça aurait été la même maudite affaire. Ouais. Aussitôt qu'un journal arrive et dit il va y avoir un colloque de l'extrême droite. Attendez, pas de l'extrême droite. Nous sommes pour eux les porte-étendards de l'extrême droite. Ça, c'est grave. C'est une accusation grave, sans fondement, sans aucune recherche. Je tiens à préciser que la journaliste qui a écrit ces mots dans le journal Le Devoir ne m'a jamais contacté. Je pense qu'un journaliste qui a le moindre code d'éthique professionnel aurait pris la peine de contacter toutes les parties, dont moi, le principal organisateur. Je veux dire, je n'ai jamais reçu de coup de téléphone du Devoir. Puis là, on s'en va dire que le mouvement qu'on fait, qui a à peine trois mois de naissance, mesdames et messieurs, nous sommes les porte-étendards de l'extrême droite au Québec. Donc, c'est grave et j'espère que nos politiciens vont remédier au problème. Merci. Hey, Guy Boulian, encore une fois, félicitations. Merci pour l'organisation. Beaucoup, puis on va probablement, à la fin de la journée, Guy,